mes amis, comme tombés du ciel, sont assoiffés d'azur, mais malgré leur turpure, on dirait que la vie leur a brûlé les ailes. Tous ces garçons n'aiment que le rock'n'roll, et lorsque les néons dans les reflets étranges leur font une auréole, ils ressemblent à des anges. Et chaque soir, ils se retrouvent au fond des bars. Le jour s'enfuit, ils savent qu'il est déjà tard. Tous mes amis sur des rythmes sauvages ont oublié leur âge et le son des guitares déchirant le silence, berce leur désespoir. Tous mes amis, quand nul ne peut les voir, pleure tout seul dans le noir, un amour disparu ou un copain qu'ils ne reverront jamais plus. Tous ces garçons veulent rire de tout, de leur joie, de leur peine, et à en perdre l'âme. Mais malgré leur dégoût, ils iront jusqu'au bout. Et chaque soir, ils se retrouvent au fond des bars. Le jour s'enfuit, ils savent qu'il est déjà tard. Tous mes amis, je leur ressemble un peu, mais parfois je me dis qu'on trouvera dans la vie un destin plus heureux, et pour moi et pour eux. Et nous serons heureux. Et nous serons heureux.